À l'occasion de la Journée du Soleil, le comité préparatoire suisse pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes de Seine 2017, le comité préparatoire suisse pour célébrer le 105e anniversaire de naissance du président Gemelson, le comité Suisse-Corée et le cercle d'études des études justes de Suisse ont rendu publique une déclaration commune, alors que le directeur général de la maison d'édition Mit Tamor de Myanmar, une communication. La déclaration commune et la communication souligne qu'on ne peut trouver ailleurs dans l'histoire humaine, à travers des siècles, une personnalité vénérée par tout le monde comme le président Gemelson, et exalte les exploits impérissables du président qui a consacré tout pour le bonheur du peuple durant toute sa vie.